Lettre 15e. Calpurnie à Sulpici, Rome, mai 301. Je ne puis sortir de quelques jours. Mon père est indisposé. Mais mon fidèle Faedo te remettra cette lettre. Elle renferme une qui te fera plus de plaisir que la mienne. Et je ne veux pas la retarder. Je n'en suis ni surprise ni jalouse. L'amour, je le sais bien, marche toujours avant l'amitié. Pour moi, je suis assez heureuse ou assez malheureuse, comme tu le voudras, pour que toutes les lettres qui me sont adressées me parviennent librement, sans avoir besoin du secours d'une bonne amie, et sont d'une nature, d'un style à ce que le monde entier puisse les lire. Cette lettre de Tiridate était incluse dans celle qu'Agathoclès m'écrit de Nicomédie, toute remplie de remerciements très bien tournés pour les bontés qu'il a reçues dans notre maison. Il me parle de son voyage, me donne des nouvelles de Tiridate, mais ne dit pas un mot de votre liaison. Il me charge de te saluer ainsi que tous ses amis, etc., etc. Enfin, c'est une lettre que je pourrais faire placarder au forum. C'est donc ainsi qu'Agathoclès m'écrit. Il n'a donc rien de particulier à me dire. Tout dans sa lettre annonce, prouve la parfaite tranquillité de son cœur et m'assure que tout ce qui a semblé l'émouvoir a glissé sur son âme sans y laisser la moindre trace. Il faut te l'avouer, Sulpici, j'en étais surprise et blessée. Mon indigne cœur battait bien fort en ouvrant cette lettre, mais bientôt il n'a plus été agité que par la colère. Pas un mot de reproche sur ma gaieté des derniers jours, pas un qui décèle un dépit mal caché, des phrases simplement polies à, très polies, sur le regret de m'avoir quitté. Bien, fort bien, Agathoclès, je vous dois de la reconnaissance et me voilà, grâce au ciel, tout aussi tranquille que vous. Dans une âme telle que la mienne, la tempête ne peut durer longtemps, elle est déjà apaisée. La leçon de l'expérience me reste seule. Elle me préservera pour la vie d'une pareille illusion et me fera voir les hommes et leurs sentiments tels qu'ils sont en réalité et non comme notre imagination trompeuse, égarée, se plaît à nous les représenter. Nous croyons voir un aigle, un phénix et presque toujours l'oiseau est du plumage le plus commun. Mais avouons-le, notre amour-propre a bien autant de part à ce prestige que le cœur et l'imagination. Nous sommes flattés de subjuguer un héros, d'être aimés d'un demi-dieu, de devenir ainsi nous-mêmes des divinités. Mais le voile tombe bientôt, et le héros, le demi-dieu, la déesse ne sont plus que de faibles, de très faibles mortels, guidés par le caprice, l'inconstance et dupes de leur propre cœur. Cette découverte est dure au commencement, puis on s'y accoutume, puis on pardonne en faveur de la connaissance qu'on a acquise du cœur humain. Comme un enfant sage et docile, on baise la main qui a frappé, on devient plus raisonnable et moins sujet à se laisser abuser par les apparences. Voilà, ma chère Sulpici, sous quel point de vue j'envisage mon roman avec Agathoclès. La supériorité de son esprit, l'énergie de son caractère, l'impression que je paraissais faire sur un homme aussi distingué, m'ont un instant ébloui. Illusion que tout cela, je le vois maintenant. Agathoclès, ainsi que tous les autres hommes, est faible contre le pouvoir de la beauté, mais insensible par caractère ou par orgueil, très léger et très inconstant. Convaincu à présent que tel est celui qui agitait mon cœur, je suis rentré sans peine dans l'état de tranquillité, d'insouciance dont sa présence et son départ m'avaient fait sortir. Je suis rentré avec plaisir dans une situation qui me convient. Ah, Sulpici, que ne puis-je faire distiller sur ton cœur une seule goutte de cette paix intérieure, de cette douce indifférence. Si je pouvais te faire envisager et le monde et les hommes comme je les vois, le monde comme un spectacle varié où tour à tour acteurs et spectateurs, l'on s'amuse jusqu'à ce que la toile tombe, les hommes comme de jolis papillons dont on admire les couleurs bigarrées, qu'on aime avoir voler de fleur en fleur, mais qu'il ne faut pas même chercher à saisir, dans la crainte de les décolorer, alors, Sulpici, disparaîtraient toutes ces passions qui nous agitent, nous tourmentent, nous rendent l'existence amère. Nous n'exigerions des circonstances et des hommes que la portion de bonheur qu'ils peuvent nous procurer. Nous jouirions des bonnes qualités de ceux avec qui nous sommes appelés à vivre, et nous ririons de leurs défauts, que nous saurions bien leur rendre. Avec une telle façon d'envisager les choses, je n'aurais point été malheureuse avec ton Serranus, du moins je le pense. Il vient chez moi, et je crois qu'il a envie de me prendre aussi pour la confidente de ses peines. Je ne puis dire que j'en ai grande envie. La seule chose qui me plaise de lui est l'estime qu'il me témoigne. Dans le fond, c'est un excellent homme, quoique faible, léger et gâté par la plus mauvaise éducation. Il aurait pu vraiment devenir, en de bonnes mains, un homme très supportable. Pauvre Serranus. Il se berce de la douce idée qu'avant l'arrivée de Tiridate, tu l'aimais, et que tu pourrais l'aimer encore si tu ne revois pas ton amant. Plût au ciel qu'il ait raison. Tu en seras mille fois plus heureuse. Je t'assure que, malgré les bornes de son esprit, un époux tel que lui vaut 100 fois mieux que ces êtres fantastiques, ces héros de romans si fiers de dominer une femme sensible ou passionnée. Uni à une femme raisonnable, un homme tel que Serranus, loin de la dominer, se laisse diriger par elle, et lui abandonne en entier le timon de l'Empire. Il ne la tourmente point par un sentiment exalté, mais il est reconnaissant de la moindre marque d'attachement. Ah, je te le jure, une vie aussi paisible me paraît infiniment estimable. Je te conjure donc très sérieusement, ma chère Sulpicie, d'écouter la voix d'une amitié à laquelle tu résistas trop souvent. Cherche à surmonter ton sentiment au moyen de l'absence et des circonstances qui favorisent cette sage résolution. Tu ne seras jamais heureuse par cette passion, non parce que tu n'es plus libre, puisque le divorce, dont chaque jour on voit des exemples, peut rompre le lien qui t'attache à Serranus, non plus à cause du rang élevé de ton amant et des obstacles qui pourraient en être la suite. L'amour, le courage, la persévérance sauraient les aplanir, mais parce que Tiridate est un homme, et qu'aucun homme ne mérite d'être aimé comme tu l'aimes. Ils sont tous, oui, tous, sans exception, inconstants, sensuels, égoïstes. Le désir, l'imagination, le caprice et la vanité les attirent seuls vers nous. Du moment que ces ressorts cessent de se mouvoir, le cœur se tait, l'amour cesse, et nous ne sommes plus rien pour celui qui est encore tout pour nous. Combien ne voit-on pas de malheureuses femmes s'attacher par leurs propres sacrifices et conserver une tendresse inextinguible pour un homme, quoique la légèreté, la perfidie ou une indifférence insultante en soit la seule récompense. Ne me taxe pas de cruauté si je vais te dire une vérité qui te paraîtra bien dure. Ne repousse pas le médecin qui, dans l'espoir de te guérir de tes maux, te présente un abreuvage amer, mais salutaire. Penses-tu que sans ta beauté et les obstacles dont tu étais entouré, l'amour de Tiridate aurait été aussi vif, aussi constant? Que la paix revienne, que ton mariage se rompe, que Tiridate remonte sur le trône de ses ancêtres et soit en possession de ta main, que le chagrin, la passion et le temps, ces trois grands destructeurs de la beauté, aient altéré la tienne, tu verras cette flamme ardente diminuer peu à peu et s'éteindre entièrement. Ils sont tous ainsi. Qu'elle est trompée, celle qui croit faire une exception à la règle. Ce n'est pas son amant qui la trompe. Car le nombre de ceux qui feignent un amour qu'ils ne sentent pas au moment où ils s'éloignent est très petit. Ils commencent ordinairement par se faire illusion à eux-mêmes. Mais c'est le propre cœur, l'imagination exaltée de la femme abusée, qui la rend incapable d'appliquer les idées générales sur les hommes à l'individu qui l'intéresse. Sa vanité lui dit à l'oreille qu'elle mérite une exception. « Pardonne, Sulpicie, si ma lettre t'afflige. Celle de Tiridate te consolera. » J'ai cru qu'il était juste de l'attaquer au moment où il pouvait se défendre. Hélas, j'ai bien peur d'avoir perdu ma cause. Je te prie au moins d'aimer également ta Calpurnie. Elle aurait voulu te faire profiter de sa triste expérience. Adieu, bonne et chère amie. Nous nous verrons tous les jours.